Le rap ce n'est plus ce que c'était. À part quelques résistants, le reste ne pense qu'à s'emboîter. Repartent en boitant, sortent en boitant. Resta, mais devant l'entrée se font recaler. Regarde-les, les bras croisés se prennent pour des kings. Tellement cocu qu'ils ont des cornes comme des vikings. Leur rap est sensible, comme un tueur à gage retraité. J'peux pas les faire taire, ils aiment trop la fessée. Leurs faits et gestes me font penser qu'ils sont passifs. S'autoproclament à l'ancienne, car ils écoutent pas si. Mais j'écoute pas ça, j'ai des valeurs quand même. Cherche pas la gloire, j'm'en bats les couilles si personne m'aime. J'aspire le respect, même si j'en ai pas pour eux. J'suis un pourri, j'les baise et sans amoureux. Trop joue les blessés, depuis le berceau, sans aucune dignité. Ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Le rap, c'est qu'une partie de Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Le rap, c'est qu'une partie de Lego. Check, ils se reniflent le cul sans se lasser. Fini la savonnette, ils refont leurs lacets. J'trime pour les miens, rime pour les Kaira. Les pots cassés, c'est l'assurance qui les paiera. Leur anti-pop sans le sperme et le repas de la veille. Ils font dans la masse comme du shit quand ils retournent leur veste. Bref, j'passe le big up à mon froc et à tous ceux qui me suivent. Y'a que dans mes sons que j'userai de la salive. J'raconte pas de salade, le milieu du rap est sale. Bestial, j'tape des postes devant leurs cadavres. Ils s'enfilent des deux côtés mais ne sont pas des perles. Me tendresse spliff, c'est un peu me tendre une perche. Car j'imagine les MC comme des jouets. J'attends toujours le premier type qui me fera déjouer. Trop joue les blessés, depuis le berceau, sans aucune dignité. Ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Le rap, c'est qu'une partie de Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Lego, ils s'emboîtent comme des Lego. Le rap, c'est qu'une partie de Lego.